Europe Connection, de Alexandra Badea. Tu as très bien travaillé. Jour après jour, tu as détruit les articles gênants, un par un. Et à la fin, tu as réussi même un coup de grâce. Sous prétexte d'un dernier amendement, ta députée a réussi à repousser le vote en fin de semaine. Une grande majorité des députés opposants étaient déjà partis en week-end. Alors c'est passé comme une lettre à la poste. L'étiquetage alimentaire est maintenant au goût des industriels. Et toi, à la fin de ton contrat d'assistant parlementaire, tu changes de camp. Le premier dossier qu'on te colle, les semences. Les semences. Les multinationales veulent étendre leur contrôle sur toutes les plantes cultivées. Ce n'est pas qu'une affaire d'argent, c'est une affaire de pouvoir. D'où l'importance du dossier qu'on t'a confié. Désormais, on saura ce que chaque habitant de cette planète mange. Comme ça, tout simplement, en faisant intrusion dans les champs. On va d'abord mettre en place un catalogue officiel. Pour inscrire une plante, il faudra payer le prix fort. Comme ça, on élimine ce qu'on n'aime pas, tout simplement. Après ça, il n'y aura sur le marché que les semences qu'on veut. Des semences dépendantes de nos engrais et de nos pesticides. C'est une affaire claire. Même un gosse de 5 ans arrive à saisir les enjeux. L'autonomie alimentaire va être un concept oublié, au nord comme au sud. Pour manger, il faudra payer plus et plus et plus. Et là, on arrive à ton rôle. Comment faire pour dissimuler toute cette histoire dans un emballage d'intérêt public? Pour que plus personne ne se pose aucune question sur cette affaire? Pour que les commissaires européens pondent une loi? Pour que les parlementaires la valident? Comme ça, tout simplement. Tu connais le langage? Tu connais les usages? Deux mots pulsent dans ta tête. Uniformisation et simplification. Les concepts de base? Alors, tu n'as qu'à jongler avec ça. Tu prends rendez-vous avec un pote, conseiller à la commission. Tu l'invites à déjeuner dans le resto le plus chic de la capitale. Tu lui parles uniformisation. Tu lui parles simplification. Les deux concepts de l'Union européenne. Uniformisation et simplification des normes. Il sourit. Il comprend. Il note. Tu lui parles de la réalité du marché des graines. Tu lui parles en tant que spécialiste. Tu lui parles en tant que consultant. Tu lui parles en tant qu'expert. Tu lui dis... Le marché va suffoquer. Le marché va succomber. Le marché va saturer. Il faut simplifier. Tu utilises les verbes de la peur, ces mots qui font trembler tout fonctionnaire européen. Qui voudrait d'un marché suffoqué, succombé, saturé? Il faut simplifier. C'est dans la tendance, de toute manière. Tu le regardes, et ensuite tu continues à parler. Diminuer les coûts, centraliser l'information, protéger la sécurité alimentaire. Tu lui dis... On a besoin d'une loi qui réponde mieux aux attentes de notre monde. Tu laisses passer le temps. L'idée doit infuser dans sa tête. Et entre-temps, tu rédiges toi-même une proposition de loi. Simplifie. Les agriculteurs ne pourront plus s'échanger des semences librement. Aucune semence incontrôlée ne pourra désormais y passer. Résultat, toutes les espèces anciennes disparaîtront. Toutes les populations du Sud vont devenir dépendantes des semences du Nord. Tous les petits agriculteurs devront payer pour cultiver. Simplifier, réduire les coûts des tests, ça va plaire à Bruxelles. Dans un souci de réduire les dépenses publiques, les tests pourraient être externalisés dans le privé. Et pendant que tu tapes tes propositions une par une idée géniale te surprend. Tu griffonnes sur un bout de papier, police des semences. Police des semences qui vérifiera le bon usage des graines. Une tomate en France doit être la même qu'en Bulgarie, sinon c'est foutu. Et puis les inspecteurs pourront vérifier si l'agriculteur paye vraiment les droits de réutilisation. Plus rien ne doit rester libre sur le marché. T'es fort. Tu le sens. T'es dedans. Ton cerveau roule à 1000 à l'heure et ça c'est quelque chose. Tu aurais pu mettre ton intelligence dans des causes plus nobles. Tu aurais pu faire de la recherche. Tu aurais pu écrire des bouquins. Tu aurais pu éclairer le monde. Mais tout ça ne t'aurait pas donné tout ce pouvoir. Tu veux conduire. Tu veux conduire le monde par procuration. Tu aimes être le cerveau pervers de la machine qui tourne. Ce n'est pas que l'argent, c'est la soif de puissance. Tu veux être dans la loge des plus grands. Europe Connexion de Alexandra Badea, enregistrée dans le cadre des chantiers nomades. Avec Marie-Béatrice Dardenne,